Vous êtes encore et toujours sur Radio Cayenne. Maintenant, on va vous passer un extrait de L'Envolée qui revient sur la situation judiciaire avec un avocat. Puis les réflexions, analyses après. Juste pour présenter, L'Envolée, c'est une émission anticarcérale de la région parisienne. Ils font des émissions de 1h30 tous les vendredis sur Fréquence Paris Pluriel. Avec le confinement, vu la situation dans les prisons, ils font en plus des quotidiennes d'un quart d'heure, du lundi au jeudi. Bon, la présentation est en faite, on vous envoie le son. Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Vous allez entendre un témoignage d'un avocat de Toulouse. Bonsoir Sébastien, c'est Gaël et Pierrot de L'Envolée. Merci de répondre un petit peu à nos questions. Tu es avocat à Toulouse et en ce moment tu t'es beaucoup déplacé en comparution immédiate et on aimerait faire un petit point avec toi sur où en est en fait cette justice très pourvoyeuse d'incarcération que sont les comparutions immédiates. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui a changé ces temps-ci et est-ce que ça s'est arrêté ou pas? C'est-à-dire que ça continue à Toulouse, il y a toujours une audience de comparution immédiate par jour. D'accord. Alors qu'en période de ce qu'on appelle vacation judiciaire, parce qu'on n'a pas le droit de dire vacances judiciaires, la justice ne prend jamais de vacances, on est tout à fait capable de réduire les comparutions immédiates à un jour sur deux. La crise sanitaire qu'on vit actuellement succède pratiquement immédiatement au mouvement de grève des avocats qui a marqué l'ensemble des barreaux de France la semaine dernière, où à peu près systématiquement tous les dossiers de comparution immédiate ont été renvoyés. Alors la difficulté que ça pose, c'est que des comparutions immédiates, on a encore donc tous les jours. Ces gens-là, qui fin février ont demandé un délai pour préparer leur défense. Alors un délai pour préparer sa défense, ça veut dire que l'avocat, il obtient une copie du dossier, qui va voir la personne qui défend à la maison d'arrêt une fois, deux fois, trois fois, qu'il la revoit au geôle pour une dernière préparation avant l'audience et qui échange librement et confidentiellement de la meilleure position à adopter devant le tribunal. Ce délai pour préparer la défense, de fait, il n'existe plus. Ça n'est juste qu'un délai d'incarcération. Pourquoi? Parce que ces copies de procédure, on les a demandées, on ne les a pas obtenues. On les a pas obtenus parce que les services étaient débordés, parce que l'ordre des avocats est fermé, on n'a plus accès de toute manière à notre boîte aux lettres physique, parce que très curieusement, à l'heure de la numérisation, on nous parle de ça tout le temps, mais pour le droit de la défense, celle-ci ne marche pas très bien. On aurait pu tout à fait imaginer qu'on nous envoie des dossiers de manière numérisée. Pour le moment, c'est toujours pas le cas. Donc cette personne-là, qui a demandé un délai pour préparer sa défense, elle se retrouve à avoir juste été placée en détention, sans accès aux avocats, parce que les parloirs avocats sont suspendus. Ils ont été suspendus en même temps que les autres parloirs, c'est ça, le 17 mars. C'est ça, exactement. Donc ce sont des gens qui se retrouvent sans avocat, sans leur dossier, et sans les activités de la détention, sans les parloirs famille, avec une restriction sur les colis, etc. etc. En fait, ce qu'on se rend compte avec cette nouvelle procédure de comparution immédiate, c'est qu'il y a une chose qui n'a pas été pensée, c'est finalement comment respecter les droits de la défense. Donc en fait, pour résumer, on dirait que là, on se retrouve dans les pire condition d'une comparution immédiate qui aurait été acceptée, t'aurais été à peu près dans ces conditions-là, voire un peu meilleure, puisqu'en fait, en temps normal, t'aurais quand même vu la personne. Oui, on se rend compte que de toute façon, plus que jamais, défendre quelqu'un nécessite d'être là avec lui, présent à ses côtés, physiquement. On ne défend pas quelqu'un par téléphone, on ne défend pas quelqu'un par visioconférence. De la même manière, je ne vois pas comment on peut bien juger quelqu'un dans ces conditions-là. Moi, je parle de ce qui s'est passé la semaine dernière. Les choses évoluent quand même assez rapidement et l'ordre des avocats a exigé et obtenu qu'on puisse avoir des parloirs en visioconférence maintenant le matin, la veille de l'audience. D'accord. Mais en tout cas, ça, la chancellerie n'y a pas pensé. Ce qui est quand même assez incroyable, hein, c'est que les droits de la défense ont été complètement occultées. Et il n'y a qu'à lire ces ordonnances, hein, qu'on peut, et les confrères le font avec raison, qualifier de scélérates. C'est-à-dire que à l'heure même où effectivement Nicole Belloubet annonce qu'elle va, comme si c'était elle d'ailleurs, qu'elle va libérer 5 à 6 000 personnes détenues, alors qu'on rappelle quand même qu'en droit, c'est pas le ministre de la Justice qui libère les gens, hein, c'est le juge. Bon. Donc alors même où elle dit ça, et on nous annonce là qu'il y aurait eu 6 000 personnes qui auraient été relâchées du fait de ces ordonnances. Déjà, ce qu'on ne compte pas, c'est combien de gens sont rentrés depuis. Alors la même Nicole Belloubet, ces ordonnances aussi ont permis de plein droit, c'est-à-dire sans qu'il y ait de débat contradictoire, d'allonger automatiquement la détention provisoire de 2 mois. Donc ça, c'est très important quand même. C'est-à-dire qu'on prétend faire sortir, non seulement on continue à faire rentrer, mais en plus, tous les gens qui sont en détention provisoire, c'est-à-dire qui n'ont pas été jugés. Il y a un tiers, sur la population carcérale, il y a à peu près un tiers de personnes qui sont en détention provisoire. Donc il faut rappeler qu'elles bénéficient de la présomption d'innocence et que pour certaines d'entre elles, elles seront acquittées ou relaxées à l'issue de la procédure. Donc ces gens-là, qui sont présumés innocents, se sont vus privés de tout débat. En clair, ça veut dire que des gens, soi-disant les demandes de mise en liberté, alors que l'ensemble de la profession des avocats, même des juges d'application des peines, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, signe un texte, il y a maintenant 2 semaines, qui demande la facilitation des procédures d'aménagement de peine, les ordonnances font exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans les faits, elles permettent effectivement d'allonger sans débat et sans qu'un juge examine la nécessité ou pas de prolonger la détention provisoire. Ces ordonnances donc permettent de plein droit de prolonger de 2 mois la détention provisoire de plus de 20 000 détenus. Donc c'est ça leur vision de la simplification des procédures, quoi. C'est une simplification qui va dans le sens de l'enfermement. Ouais. Mais je vais revenir sur quelque chose dans ce double discours dont on parlait de la chancellerie. Oui. Ça a plusieurs conséquences qui sont très graves aussi pour les détenus. C'est-à-dire que moi, comme je pense pas mal de confrères qui interviennent en droit pénal, on est assailli de demandes, et c'est bien légitime, hein, et d'interrogations de la part des familles de détenus, voire des détenus eux-mêmes. Tout le monde va sortir, la ministre a dit que, etc., etc. Il y a ce premier point, et puis aussi le double discours gouvernemental se traduit par la création d'un nouveau délit. Ce délit, dont la constitutionnalité est douteuse, permet, pour la simple appréciation d'un policier municipal ou même d'un garde champêtre, qui aurait verbalisé 3 fois une personne, et on sait, et on commence à avoir des retours sur la créativité dont ils peuvent faire preuve, la constatation de ces infractions. Après plus donc de 3 verbalisations, on encourt 6 mois d'emprisonnement. Pour non-respect du confinement, tu parles, hein ? Voilà, c'est ça. 6 mois d'emprisonnement, ça ouvre la possibilité de traduire les personnes en comparution immédiate. Et on y revient. Et on y... Exactement. La boucle est bouclée. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il se passe que en comparution immédiate, les choses ne changent pas trop. Et je sais au moins qu'une fois à Toulouse a été prononcée une peine de mandat de dépôt, 1 mois de prison avec mandat de dépôt pour cette infraction-là. Bon, il faut quand même souligner que la personne était âgée de 18 ans et qu'elle n'avait aucun antécédent judiciaire. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre, hein, c'est-à-dire qu'on nous annonce vouloir réduire la population carcérale, dans le même temps on prolonge le délai d'examen des demandes de mise en liberté, on annule des débats contradictoires devant le juge des libertés et de la détention, on prolonge de fait la détention provisoire et on crée un nouveau délit à la constitutionnalité douteuse dont on se sert pour décerner de nouveaux mandats de dépôt à des courtes peines dont on sait très bien d'ailleurs qu'elles ne servent à rien. Écoute, c'est parfaitement résumé, c'est vraiment exactement là où on en est au bout de ces 2 semaines et demie là de confinement. Et après ces annonces qui ont en fait créé surtout de l'incompréhension et des faux espoirs à l'intérieur des détentions, qui nous ferait plutôt dire, nous, aujourd'hui, elle a fermement décidé de ne pas vider les prisons. Il faut quand même aussi savoir qu'une libération de 5 000 ou de 6 000 détenus ne rendrait toujours pas conforme au principe de l'encellulement individuel. Ça serait toujours qu'une goutte d'eau, quoi. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on ne veut pas le faire. C'est pas qu'une histoire de sanitaire, etc. C'est qu'aussi, et le problème, de toute façon, il reste là, c'est que, je fais une parenthèse là-dessus, mais on peut se demander finalement à chaque fois, quelle leçon allons-nous pouvoir tirer de cet épisode-là? Bon, on a toujours très peur, parce qu'on sait très bien que les lois d'exception, elles ont tendance à laisser des traces, voire à passer dans le droit commun, comme on l'a connu avec l'état d'urgence précédent sur le terrorisme. Et que chaque brèche qui est ouverte dans les droits de la défense ne sera jamais comblée. On ouvre cette brèche de manière normalement exceptionnelle et provisoire, et on se rend compte qu'il en reste des traces. Alors qu'est-ce qui va rester de la visioconférence, des comparutions immédiates, etc. On en est très inquiet. Est-ce qu'il restera quelque chose? Est-ce que le pouvoir politique va se saisir véritablement de la question de la détention en France? C'est sûr que non. Pourquoi? Parce que cette question-là, elle a un rapport avec autre chose. C'est qu'en France, on a une culture du cachot. C'est-à-dire que la peine de prison, alors qu'elle ne devrait être qu'une peine de privation de liberté, hein, elle doit être avant tout une peine, c'est-à-dire qu'elle doit faire souffrir. D'accord? Tant qu'on sera dans cette culture-là du cachot, qui est très française, et c'est ce problème-là, hein, au-delà des conditions matérielles de détention qui ne sont que la conséquence de cette culture du cachot. Oui, tout à fait. C'est ce que les prisonniers au sein du journal ou de la radio passent leur temps à dire, et c'est la parole qu'on essaye de relayer, avec laquelle on est d'accord justement sur cette histoire de la peine d'enfermement qui doit faire mal. Alors c'est pour ça, hein, que c'est pas qu'une histoire de gestion des flux, de circonstances sanitaires exceptionnelles, etc. En tout cas, tout ce que ça démontre bien, c'est que le problème est ailleurs, et il est dans ce que là je viens d'appeler, mais il y a forcément des gens qui l'ont mieux dit moi, mais cette culture du cachot. Sébastien, je pense qu'on peut peut-être imaginer poursuivre dans les temps qui viennent ces discussions à l'antenne, en mêlant, où on analysera précisément là, ce bout-là de mélange entre cette culture du cachot et ce droit d'exception sanitaire qui, comme les autres droits d'exception, va petit à petit s'infiltrer dans le droit commun. Quoi. C'est effectivement le risque. Eh bien, merci beaucoup à toi. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Ouais, donc on vient d'entendre l'interview qu'ont fait Pierrot et Gaël de cet avocat toulousain. Donc on va revenir un peu sur les comparutions immédiates. Bon, on l'a déjà dit des milliards de fois à cette antenne, mais les comparutions immédiates, c'est de la justice d'abattage, et c'est ça qui remplit de ouf les prisons. Et c'est les seuls types de procès qui continuent actuellement dans la justice confinée de France. C'est-à-dire que, par exemple, tous les jugements d'application de la peine et ce genre de choses, eux, se sont arrêtés. Ces trucs qui devraient réellement faire sortir les gens de prison, enfin, dont l'objectif est celui-là, hein, même si dans la pratique, on sait que c'est différent. Alors que, par contre, les comparutions immédiates qui sont là pour remplir les tôles, elles continuent. Donc, voilà, il y a pas mal de choses dont il revenait, sur lesquelles il revenait, cet avocat. Et je pense que c'est un peu important de faire le point sur l'importance des peines qui sont en train de tomber pour non-respect du confinement. Donc il le disait déjà qu'il doute, enfin beaucoup d'avocats doutent très fortement de la constitutionnalité de ce truc. Après, on verra dans la pratique si les attaques qu'ils ont fait au juge constitutionnel, ça va marcher ou pas. En vrai, moi, j'y crois pas trop. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que là, aujourd'hui, il y a plus de 100 mois de prison ferme avec mandat de dépôt qui ont été appliqués en France. Voilà, il y a au moins une trentaine de personnes qui actuellement dorment en tôle pour être allées simplement dans la rue et sans mettre en danger les gens, en vrai. Enfin, c'est ça qui est ouf. Et en plus de ces 100 mois, il y a 120 mois de prison ferme et 55 mois de prison avec sursis. Et il y a des trucs qui sont complètement hallucinants, comme des addictos qui vont chercher leur cam, enfin, c'est normal, et d'autres peines qui sont ouf d'un an ferme pour ce genre de choses. Voilà, donc on voit que la répression, elle continue. avant d'arriver devant les juges, ça passe par des keufs qui font leurs arrestations. En réalité, les keufs, ils patrouillent dans les quartiers. C'est un truc de ouf. On sait qu'il y a deux semaines, 10% des amendes qu'il y a eu en France, c'était des amendes qui ont été données dans la Seine-Saint-Denis. Et donc, ils continuent leur sale travail où ils ont aussi blessé une petite de 5 ans à Chanteloup-les-Vignes à coups de flashball. Et aussi hier, donc mercredi 7, pardon, il y a eu un mort à Béziers, c'est un type qui était SDF et qui a été contrôlé pour non-respect du confinement. Donc, enfin voilà, la violence policière, elle ne s'arrête pas en fait en temps de confinement et les meurtres policiers non plus. Aussi, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils sont complètement, c'est le cas de fréquemment dans les états d'urgence, parce que là on est dans un état d'urgence même s'il n'est pas complètement légal, où on est complètement hors de l'état de droit et les flics font ce qu'ils veulent. Et donc c'est-à-dire que par exemple les flics, ils font une liste, là c'est le monde qui le racontait, ils font une liste des gens qu'ils ont déjà arrêtés. Et puis après, ils partent faire leur patrouille en allant chercher encore plus les gens. Et sinon, il y a un autre truc aussi, c'est que pour être arrêté et pour vérifier ton identité et tout ça, il faut que normalement, il y ait une soupçon d'infraction. Enfin voilà, c'est ça, soi-disant la loi. En fait, dans la pratique, on sait que c'est jamais respecté, mais voilà. Et là, par exemple, ils ont arrêté une personne qui était en train de courir, comme elle a le droit de le faire, et en fait, ça marche quoi. En fait, alors que en fait, il y avait rien qui pouvait laisser soupçonner qu'elle faisait une infraction. Donc ça, en fait, c'est des choses qu'on voit tout le temps dans la pratique. Voilà, donc c'est vraiment des peines qui sont hyper sévères qui tombent, et en fait, les comparutions immédiates, elles continuent. Attends, moi, je voulais faire. Je t'arrête un tout petit peu. Donc, ce que tu dis, c'est que voilà, il y a ce qui se passe dans les tribunaux et derrière, il y a les keufs qui sont fous un peu, comme d'hab. Mais c'est toujours la même chose. Donnez-leur du pouvoir, ils s'en serviront. Et c'est exactement ce qui se passe. Et je veux dire, c'est vrai qu'on a vu dans des villes des maires supprimer les bancs, que les gens n'ont pas le droit de s'arrêter dans la rue, etc. Enfin, il y a des réalités qui peuvent être plus ou moins différentes selon les endroits. Et c'est vrai que là, la continuité entre les flics et le tribunal, c'est tranquille. En plus, il n'y a personne dans les tribunaux pour regarder ce qui se passe. Là, la violence, elle est vraiment crue, quoi. Ça, c'est sûr que là, on est au max, quoi. Ça, c'est. Enfin, je voulais en tout cas vraiment insister de nouveau là-dessus, quoi. Ah ouais, non, c'est sûr que c'est vraiment. En vrai, c'est tout ce qu'on voit d'habitude, mais qui est, comme d'hab, décuplé, quoi. Enfin, dans des situations, voilà. Et juste aussi, on a aussi les histoires des poteaux qu'on nous raconte et tout ça, et une connaissance est allée chercher deux bières en bas de chez lui, et il s'est fait arrêter, et on lui a foutu une amende parce qu'il avait pris deux bières, et que c'était soi-disant, ça rentrait soi-disant pas dans ce qui est légitime ou pas. En réalité, c'est complètement légitime, c'est pas aux flics de déterminer ce qu'on a le droit, et ce qui est considéré comme étant des produits de première nécessité, c'est ce qui a été décrit par le gouvernement avec leur décret là où et donc si un magasin il est ouvert, c'est que c'est de première nécessité et donc tu as le droit d'aller l'acheter. Et donc ça, on y reviendra, mais il faut contester ces amendes parce qu'ils sont en train d'en pleuvoir. Je ne sais plus qui disait cette phrase, il y a plus d'amendes qui ont été données que de tests. Alors depuis, il y a un peu plus de tests, mais en vrai, c'est quand même un truc qui a été vrai à un moment. Il y a eu plus d'amendes à un moment donné que de tests qui ont été faits dans toute la France. Donc on voit toujours la main droite de l'État qui réprime, quoi. Juste par rapport à cet entretien aussi, moi il me semblait un peu important de revenir sur le travail des avocats dans les comparutions immédiates. En fait là il nous décrit ce qui se passe à Toulouse, mais ça se passe pas partout de la même manière. Et particulièrement à Paris où c'est particulièrement choquant parce que sous couvert du droit de retrait, de la santé et tout ça, il mandate plus aucun avocat pour l'aide juridictionnelle dans les comparutions immédiates. Ce qui signifie que les gens se retrouvent tout seuls dans le box face au juge et avec juste la parole des keufs et les avocats qui certes généralement ne servent à rien. Mais là, les personnes sont jugées sans avocat et il y a un truc, moi, qui m'a rendu complètement fou, c'est que là, pendant leur grève, en fait, ils ont fait un certain nombre d'actions pour ralentir les comparutions immédiates. Et là, c'est Le Monde qui en parle d'un gars qui a de la détention provisoire parce qu'ils ont fait plein de ralentis, tout le truc et tout ça. Et là, ce gars-là, qui était défendu par des avocats qui ont joué leur jeu pour leur défense de leur propre intérêt et tout ça, maintenant que son procès a été reporté, les types, les avocats qui ont fait ça la dernière, enfin, y a, voilà, ne se sont pas repointés et donc il s'est retrouvé tout seul dans le box. Donc c'était juste pour dire qu'en fait les avocats aussi ils prenaient pas non plus énormément leurs responsabilités dans cette période et que c'est hyper inquiétant en fait qu'il y ait plein de gens qui se retrouvent en fait dans les tribunaux sans avoir d'avocat à part ceux qui sont payés rubis sur ongles. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire sur les comparutions immédiates. Yes, merci Serge.